Visigène souhaite joyeux Noël et bonne année à sa clientèle et vous remercie pour la confiance témoignée pendant la dernière année. Dolbeau Exigène se spécialise depuis 1936 dans la fabrication d'équipements industriels. Dolbeau Exigène, situé au 303 8e avenue Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-0555 ou encore sur notre site web au www.do2.ca. Section du club de golf de Chibougamau-Chaparay, son personnel et moi-même, Michel Lallemand, le directeur général, sommes heureux de vous transmettre nos meilleurs vœux pour la période des fêtes, que la prochaine saison soit remplie de bonheur et de joie, et à tous les amateurs de golf de notre secteur, de même qu'à tous ceux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, la plus heureuse période des fêtes. Chez Dolbeau Auto, on célèbre le temps des fêtes en grand avec le Silverado 1500 à 0% sur 72 mois et un rabais de 7 000 $ en valeur totale. Le Sierra 2019 à 0% sur 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel de chez Dolbeau Auto souhaitent de joyeuses fêtes et une bonne année à toute la population et vous invite à la prudence pendant cette période. Dolbeau Auto, 1770 boulevard Wahlberg, Dolbeau-Mistassini, 418-276-0580. Le personnel et la direction de Météo GBL profitent de l'occasion pour souhaiter un très joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Paix, santé, bonheur et prospérité, ce sont les vœux de l'équipe de Météo GBL qui est un moteur économique important pour le milieu et qui génère plus de 50 emplois. Météo GBL est situé au 550 rue Adélard-Gagnon à Dolbeau-Mistassini au numéro de téléphone 418-276-6102. Les employés et la direction de la coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien souhaitent un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Notre équipe vous souhaite avant tout la santé et que tous vos projets se réalisent. La coopérative de location de machinerie lourde de Saint-Félicien est une entreprise importante dans le secteur avec plus de 10 emplois dans le milieu et œuvre dans le secteur forestier avec son important partenariat avec Résolu. La coopérative de machinerie lourde 905 Boulevard Amel, Saint-Félicien 88-679-41-94. C'est la revue de l'année de notre ami Marc Griffin du Réseau des Sports. Salut Marc. Salut Danny. Marc, l'année 2019, c'est-à-dire ça a été l'année des Astros de Houston. Et des Nationals de Washington aussi. Des Nationals qui ont remporté sept matchs et qui avaient mal commencé l'année, il faut le dire, hein? Dave Martinez, même son poste est en danger. Exactement. Écoute, après le premier mois et demi, on se demandait s'il allait pas avoir des gros changements chez les Nationals. On a reviré ça de côté pour en faire une saison de rêve. Première série mondiale de l'histoire de la franchise, faut-il le rappeler. Et du côté des Astros, c'est une saison remarquable, mais qui n'a pas fini comme, évidemment, on l'aurait souhaité, parce que on a beau regarder ça dans tous les sens, Danny. C'est le gros toutou à la fin. C'est mondial que tu veux. Puis on n'a pas été en mesure de faire du côté des Astros. Mais saison remarquable à tout point de vue là, du côté des Nationals de Washington. Compte tenu qu'ils remportent le titre. Compte tenu que c'était la première saison sans Bryce Harper. Ben oui, c'est ça. Et tout ça a fait en sorte que finalement, on a obtenu ce qu'on recherchait depuis le temps, parce qu'il faut pas l'oublier, les premières années des Nationals de Washington, écoutez, on avait obtenu cette équipe-là de Montréal, mais il ne restait plus grand monde dans les réseaux officiels. C'était une franchise à rebâtir pratiquement au complet. Et ça a été l'éclosion, tu me corrigeras si je me trompe, mais de Steven Strasburg. Strasburg, je me rappelle lorsqu'il est venu est arrivé à Washington, on le disait que c'était la prochaine grande vedette du baseball. Il y a eu des maux de bras. Et Strasburg a lancé finalement en 2019 comme on s'attendait de Steven Strasburg. Il était un bon lanceur, mais je pense que là vraiment, il a atteint son apogée. C'est souvent lorsqu'un lanceur lance la sorte en série et en série mondiale, c'est là qu'il vient chercher. Tu sais, les gens me demandent, qui est le lanceur de la décennie, par exemple? Et, tu sais, tu peux argumenter, dire que Clayton Kershaw, statistiquement, a été le meilleur lanceur de la décennie. Mais comment tu peux pas donner cette titre-là à Madison Bumgarner après ce qu'il a fait en série avec les Giants? Tu sais, je veux dire, ce que tu fais en série, ça vaut de l'or. Est-ce que Strasburg a réussi à faire cette année? Ben effectivement, il a répondu à toutes les attentes qu'il avait depuis le début de sa carrière. Ouais, écoute, je me rappelle qu'il est arrivé de je pense que c'était du collège à l'époque. Ça fait quand même quoi, 8-9 ans qu'il est déjà dans les majeurs. Puis il a eu vraiment son apogée. Anthony Rendon, tu as parlé de Bryce Harper, mais Anthony Rendon a su relever le défi de remplacer Bryce Harper. Malheureusement, pour les partisans des Nationals, il s'en va en ligne. Ouais, ben là, dans le cas de Rendon, effectivement, il a pris la place qui lui revenait là, comme leader, si vous voulez, en attaque chez les Nationals. Et le danger, c'est que ça lui a donné une valeur qu'on ne pouvait plus payer là, du côté des Nationals de Washington, compte tenu qu'on a mis Strasburg sous contrat. Mais ça reste que Rendon s'est élevé parmi les grandes vedettes de ce sport-là. Je veux dire, encore une fois, non seulement il a une constance en saison régulière vraiment remarquable, c'est quoi, 126 points produits pour Rendon cette année, mais il a continué en série mondiale, en série mondiale. Donc, le gars, bon, qu'est-ce que vous voulez, il est devenu probablement le top 10, le top 10 des joueurs de position du baseball majeur. Alors, c'est ce qui a fait en sorte qu'il a hérité d'un pas pire contrat. Ah, effectivement. L'année de chez les Blue Jays, ça a été une année quand même qu'on pourrait dire coup-ci, coup-ça. Il y a eu l'éclosion en début de saison, ça a été plus ou moins bien. Puis par la suite, on a vu en tout cas de l'espoir avec l'arrivée des Guerrero, l'arrivée des Bo Bichette, l'arrivée également des Biggio. Donc ça a été vraiment intéressant. Là. Ben, on voit qu'on est dans la bonne direction. Par contre, le côté plus négatif, c'est qu'on se retrouve avec un personnel de lanceur bon, correct, beaucoup de bras dans l'organisation, peut-être encore loin de la coupe aux lèvres, là, mais on est dans la bonne direction. Moi, ce que j'aimerais, par contre, du côté des Jays, c'est que, bon, qu'on puisse aller se doter de quelques vétérans ici et là, mais ça reste une base qui est quand même très solide. Là. Puis les joueurs que tu as nommés, on s'attend à ce que ces gars-là transportent l'équipe au cours des prochaines années. Mais je la considérais comme décevante, comme partisan, mais je suis convaincu que l'organisation n'était pas déçue des résultats compte tenu évidemment du développement des joueurs et où on se retrouve. Là, le danger du côté des Jays, c'est que rapidement, les partisans vont demander d'avoir des victoires. Je ne dirais pas une équipe qui gagne le championnat dès l'année prochaine, mais on ne veut pas se retrouver avec une saison de 70 victoires ou 65 victoires. Il va falloir démontrer déjà, voir que les jeunes progressent, disons, rapidement pour qu'on ne laisse pas les partisans encore en attente de revoir cette équipe-là se battre pour la division. Le fait que les Raptors ont remporté aussi, ça peut mettre une pression supplémentaire. Les Raptors ont un titre de la NBA chez les Blue Jays. Est-ce que vous... Ben, j'ose croire que oui, mais ouais. Ça fait plusieurs années qu'on se parle, Danny, de cette... On va encore l'appeler cette nouvelle organisation des Jays. Moi, j'ai encore de la misère à comprendre vraiment où on s'en va avec ça. Est-ce qu'on a eu l'ordre de pas dépenser? Est-ce qu'on a eu l'ordre de diminuer la masse salariale de la part des propriétaires? Je le sais pas. Mais c'est encore... sont difficiles à suivre. C'est vraiment... c'est pas facile de voir, de lire entre les lignes. Alors, ce que tu dis est juste. D'ailleurs, souvent, les organisations comme les Raptors qui gagnent, est-ce que ça inciterait l'équipe de baseball à vouloir gagner rapidement? Je suis pas capable de répondre à cette question-là, compte tenu qu'on est on n'est pas dans les bureaux, mais c'est une organisation que j'aime, que tu sais, on avait du plaisir à bien comprendre lorsqu'Antopoulos et Paul Bisson étaient à la barre de l'équipe, mais c'est pas mal plus difficile maintenant qu'on a changé de garde. Effectivement. Marc, 2019 également, ça a été l'année d'un jeune joueur qui est arrivé avec les Mets de New York, Peter Alonso, qui a battu le record d'Aaron Judge. Quelle puissance, ce gars-là! Jamais qu'on aurait pensé qu'Alonso allait devenir le joueur, en tout cas, qui allait battre le record de Judge cette année. Quel frappeur aussi! Ben, quelle histoire! Ouais. Ce jeune homme, tout jeune, qui se voyait déjà dans la Ligue majeure. Bon, rapidement, il avait un bon physique. Il met à jouer au baseball. C'était pas le plus habile sur le terrain, mais certes le plus puissant à frapper. Et il a peaufiné ça au fil de sa jeune carrière à l'école secondaire et tout ça. Et là, il se retrouve à sa première saison. Tu sais, puis jouer à New York, veut pas, c'est différent. C'est pas pareil. Ça ajoute peut-être un peu de pression aux jeunes. Et il a répondu de façon extraordinaire. Puis à l'écouter en entrevue, à le voir aller, tu vois que c'est un gars qui est vraiment terre à terre en plus. Alors, Les Mets sont entre les mains un diamant. C'est à eux maintenant de s'assurer qu'il en fasse un joueur constant, un joueur qui va être capable de produire année après. OK. L'année 2019 également, ben moi j'avais dit que ce serait en 2020, quand 2019 il y aurait une annonce. J'avais prévu ça en 2016, qu'il y aurait une annonce que les expos allaient être de retour. Finalement, ça n'aura pas lieu. Comment tu as vu l'année 2019 du retour du baseball? Positif, négatif, comment tu as vu ça? Ben moi je vois ça de façon très positive, parce que le dossier a énormément évolué dans les derniers 12 mois, au point où le groupe de Montréal a fait une demande officielle ou un offre d'achat sur le terrain. Tu vois que tout ça se dessine davantage. On s'est positionné aussi à travers le baseball chez les différents propriétaires, parce qu'il ne faut pas se cacher de lobbying que Stephen Bromfield a fait au cours des dernières années pour redorer un peu l'image de Montréal. C'était du gros travail qui s'est fait dans les coulisses. Le dossier des Rays qui, semble stagner, mais dites-vous bien que ça avance quand même, puis que ce dossier-là ne se rendra jamais en 2028. Ouais, et même si vous entendez ça présentement, que ce soit le maire de Saint-Pete, que ce soit le commissaire du baseball, que ce soit le propriétaire Sternberg, ou que ce soit même le groupe de Stephen Bromfield, c'est sûr que c'est des dossiers qui vont avancer beaucoup plus rapidement que 2028. Maintenant, est-ce que c'est 2020, 2021, 2022? Là, c'est difficile à dire, mais c'est évident que ce dossier-là ne restera pas statu quo pour les prochaines années, d'aucune manière. Est-ce que on va attendre à la fin du contrat actuel entre l'association des joueurs ou en fait la convention collective? Peut-être, mais ça reste que je suis pas mal convaincu que c'est un dossier qui va avancer plus tôt que plus tard. Et parce que vous savez, et Sternberg et Bronfman sont convaincus, eux, du projet de ville partagée, de ville sœur, et ils vont vouloir présenter ça éventuellement à tout le monde, l'association des joueurs, bureau des gouverneurs. Moi, je pense que ça va bloquer à l'association des joueurs. Moi, peut-être. Mais au moins, on va avoir exactement le portrait réel de ce que c'est ce projet-là. OK. Marc, aussi en 2019, ça a été aussi l'année des gens qui sont décédés. Il y a quand même eu plusieurs porte-couleurs, des anciens des expos, évidemment, qui sont décédés. Scott Sanderson, tu te rappelles de lui? Ça a été un lanceur, vraiment. Là. Moi, je me rappelle de Sanderson comme un lanceur de 500, mais son fameux grand chelem au Wrigley Field, je ne sais pas si ça dit quelque chose, là. Ça a été un qui est décédé au cours de l'année. Ouais, moi j'ai commencé lorsque j'ai vraiment suivi les expos là. Bon, Scott Sanderson faisait partie, ouais. David Palmer, rappelle-toi, il y avait Charlie Lee aussi, c'est des gars comme ça. Alors, c'est sûr que ça a marqué mon enfance. Sanderson, ce grand lanceur droitier qui lançait vraiment par-dessus avec un bon changement de vitesse. Écoute, c'est tellement malheureux lorsqu'on voit, on a l'impression un membre de la famille là, qui nous quitte. Mais Sanderson a été un des bons. T'sais, il a joué dans l'ombre des Steve Rogers et des grands lanceurs de l'époque, mais ça reste que Sanderson a fait sa marque là, dans l'histoire des expos, il n'y a aucun doute. Des Yankees, également des Oakland. Frank Robinson, je ne vais pas toute la démantelature de tout, parce qu'il y en a plusieurs, là, mais je vais te nommer deux, trois noms. Frank Robinson également, qui est décédé, le dernier gérant de l'histoire des expos. Écoute, tu l'as bien connu, Frank Robinson. Comment il était? On dit que ça ne tentait pas vraiment d'être gérant. Ben, j'aime mieux me rappeler de Frank Robinson, le joueur, que Frank Robinson, le gérant des dernières années. Honnêtement, le Danny, c'était pas la personne la plus agréable à côtoyer. Ouais. Effectivement, parfois, on se demandait est-ce qu'il veut vraiment être à la barre de l'équipe à ce moment-là. Il semblait un peu désabusé. Il semblait un peu le gars forcé à aller gérer cette équipe-là. Pourtant, c'était un emploi qui était le fun. Mais ça reste que c'est tellement été un grand joueur et c'est tellement été un gars qui, tu sais, puis veut pas, c'est le premier gérant noir qui a aussi géré, qui était joueur gérant à l'époque avec les Indiens Cleveland. Tu sais, il a marqué le baseball à sa façon, Frank Robinson, et pour ça, ben je pense qu'il va falloir toujours respecter le grand joueur qu'il a été. Mais son séjour avec les Expos, on lira ce qu'on voudra, mais ça a été forcé, donc ça fait en sorte que ça a été moins reluisant dans sa carrière de gérant. Et le dernier, je vais te nommer, Moi, je trouve ça de valeur qu'on se rappelle de lui pour une erreur en 1986 en Série mondiale, parce que le gars a connu une très belle carrière, Bill Buckner. Moi, je trouve ça de valeur que Buckner, parce que c'était un bon joueur de premier but défensif aussi, là. Mais quand on pense à Bill Buckner, on parle du maudit roulant en 1986 lors de la Série mondiale. Lui aussi est décédé. Ouais, et puis écoute, c'est tellement, tu sais, il s'est passé tellement de choses même dans ce match-là que c'est fou de, tu sais, c'est sûr que le jeu paraît mal là parce que ça a fait la différence, mais c'est malheureux, tu sais, parce que ce gars-là a eu des menaces de mort, puis il a eu, ça fait en sorte que, tu sais, on se rappelle de Buckner. Mais les gens qui ne connaissent pas de baseball, disent, ah, Bill Buckner, ben oui, c'est le gars qui a échappé la balle, tu sais. Pourtant, une carrière extraordinaire, Bill Buckner, d'une constance remarquable au fil du temps. Mais c'est un joueur qui, l'âge l'a beaucoup rattrapé là, en fin de carrière, puis il devenait beaucoup moins habile, les blessures aussi. Mais ça reste qu'une carrière phénoménale pour Bill Buckner. C'était un bon joueur de premier but aussi, défensivement. Là, c'était Oui, non, c'est pas exact. C'est parce que à cette époque-là... Ouais. Tes deux moins bons joueurs en défense, c'était le champ gauche puis le premier but. Ouais. Ton premier but, c'est le gars qui n'est pas très habile, qui n'est pas si... Ça a beaucoup changé dans le baseball d'aujourd'hui. Mais Bill Buckner ne représentait pas le joueur non mobile. Il était excellent comme joueur de premier. Ouais. Marc, c'est pas mal, on va faire une pause, puis je vais te garder un peu pour savoir qu'est-ce qui s'attend en 2020. Vous êtes à l'écoute de la rétrospective de Mark Griffin sur les ondes de radiosport.com. À l'occasion du temps des fêtes, nos pensées se tournent avec reconnaissance vers ceux et celles qui font notre succès et tout le personnel et la direction de LCR Vêtements Chaussures souhaitent de très joyeuses fêtes à la population ainsi qu'à sa clientèle. Merci de votre support pour l'année qui se termine. LCR Chaussures et Vêtements, au 1463 Boulevard Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-9595 ou variétélcr.ca. Tombe, les cœurs deviennent sensibles et chaleureux. On rêve et on pense aux belles rencontres des temps des fêtes. Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale pour HR Block, veut vous souhaiter le plus merveilleux temps des fêtes. Laissez-vous gâter par vos amis et réjouissez-vous avec les parents. Que la prochaine année soit une fontaine de jouffrance. Tels sont les vœux de Madame Thérèse Bouchard, conseillère fiscale chez HR Block, 1670 Boulevard Walberg, en face du restaurant Mike's, 418-276-8025. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ses thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. Le personnel et la direction de la société Sylvicole désirent souhaiter un joyeux Noël et une bonne année à toute la population. Ils vous incitent à la plus grande vigilance pendant ce moment de réjouissance. La société Sylvicole est un employeur important, générant plus de 90 emplois dans le secteur. Nos bureaux sont situés au 245 rue Dequin à Dolbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-80. Marc, au moment où on enregistre le podcast, il y a des joueurs autonomes qui ont déjà signé. Je pense entre autres à Randall, je pense entre autres à Strasburg, à Garrett Colts. Il reste Madison Baumgartner qui a signé hier. Le nom qui reste, c'est peut-être Josh Donaldson et Beyond Rue. On dit que les Blue Jays sont dans la course. Donaldson, on dit que les Nationals, c'est la priorité maintenant des Nationals. Ça a été un marché autonome beaucoup plus intéressant cette année que les autres années. Les autres années, on n'attendait aucun entraînement. Ah, écoute, c'est le jour et la nuit entre les deux dernières, on va appeler des saisons mortes, les saisons des joueurs autonomes. Écoute, on parlait même de collusion depuis deux ans. Là. Ça n'a pas été le cas cette année. Mais il faut regarder aussi la qualité des joueurs. T'sais, l'année passée, oui, tu avais Machado et Bryce Harper, mais c'est pour une des rares fois où tu te retrouvais avec deux joueurs autonomes très jeunes. Écoute, Harper a 25 ans. Là, se retrouvait comme joueur autonome à 25 ans. Tu vois pas ça tous les jours. Non. Bon, sans excuser le contexte, c'est sûr que cette année, on se retrouve avec des joueurs de grande qualité. Tu parles de Cole, tu parles de Strasburg. On parle de Randon, on parle vraiment de joueurs de premier plan. Bob Gardner, tu sais, c'est pas loin d'eux. Donaldson qui arrive d'une très, très bonne saison. Alors, c'est pas anormal de voir un marché plus actif présentement. Évidemment, moi, j'aime bien ça parce que ça transforme pratiquement des profils d'organisation. Là, je pense aux Diamondbacks qui se retrouvent avec Bob Gardner aujourd'hui. Rapidement, les bras vont bouger aussi avec des gars comme Cole Hamels. Alors, Ça devient intéressant. Tu sais, c'est un peu une stratégie d'organisation. Est-ce qu'on réagit tôt, on réagit pas tôt? Et c'est pas fini, hein, parce que il y a beaucoup de rumeurs de transactions aussi. On parle pas juste de joueurs autonomes. Des noms comme Lindor qui refont beaucoup sur place aussi. Mookie Betts, on dit qu'au moment où on enregistre le podcast, je sais pas si tu as vu ça passer, il y a des négociations entre les Dodgers et les Red Sox. Les Red Sox, écoute, on comprend pourquoi Dave Dombrowski a été congédié, là, parce qu'on veut faire du ménage un peu. Jackie Bradley, des rumeurs. Est-ce que tu crois que Betts pourrait partir de Boston? C'est l'image des Red Sox, là. Ben écoute, moi je le souhaite pas, là. Je le souhaite pas, mais est-ce que je serais le plus surpris au monde si c'était échangé? Non. Compte tenu de ce qu'on entend des propriétaires des Red Sox, c'est qu'on semble vouloir. Tu sais, le contrat de David Price fait mal. Ouais. À la limite, le contrat de Chris Sale fait mal. Alors là, si tu gardes, est-ce que tu peux garder tout le monde? Est-ce que tu peux garder Bogarts que tu viens de signer? Est-ce que tu sacrifies Bogarts ou tu sacrifies un Mookie Betts? Est-ce que tu peux avoir plus pour un? C'est pas anormal que son nom circule présentement parce qu'il est un joueur de premier plan. Personnellement, moi, je le garderais parce que on mésestime trop souvent le visage d'une équipe. Et je te donne comme par exemple, je sais pas moi, lorsque les Jays se sont départis d'Encarnación, selon moi, ça en fait très très mal. Si on pourrait avoir un paquet d'exemples, mais toujours est-il que on voit que les Red Sox sont dans une ère où on veut couper un peu d'argent, on veut peut-être maximiser davantage. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on était chercher un directeur gérant qui arrive à l'organisation des Rays. On veut être un petit peu plus efficace dans le dollar dépensé du côté des Red Sox de Boston, chose que Dombrowski ne faisait pas du tout, là, vous le comprendrez. Il avait fait la même chose avec les Tigers et là avec les Red Sox de Boston. Marc, merci beaucoup de ta collaboration encore une fois cette année. Je te souhaite de joyeuses fêtes avec toi et ta famille. Puis on va se reparler en 2019. Puis merci de ta collaboration, c'est fort apprécié. Ben écoute, ça fait plaisir. Puis en terminant, j'espère, en tout cas, ce sera pas la 2019 n'aura pas été la dernière saison de Russell Martin, notre Québécois. Ouais, c'est sûr. Et peut-être que 2020 sera aussi la première véritable saison d'Abraham Thoreau. Donc, on voit que le baseball aussi québécois, dans le baseball majeur, se porte quand même assez bien. Ouais, effectivement. Marc Griffin, notre collaborateur de baseball.